tous les intervieweurs trouvent que je parle trop. Et puis à la longue, il n'y en a plus un qui veut m'interviewer. Alors, je me suis suggéré de m'interviewer moi-même pour voir si effectivement je suis une trop grande gueule. Et on m'a suggéré de ne pas m'interviewer parce que je risquais de toujours m'interrompre. À travers cela, n'étant pas trop complexé, eh bien, j'ai pensé de voir ce que ça pouvait faire de faire une conférence sans intervieweur. Il y a des personnes qui vont être satisfaites parce que je ne me ferai plus couper, même si de temps en temps, on ne coupait pas beaucoup. Le phénomène du complexe est intéressant, c'est un phénomène psychologique, un phénomène qui est archétypal, c'est-à-dire qui provient du fin fond de la mémoire humaine. Depuis que l'homme a la conscience d'être lui, il a la conscience que les autres sont eux, et par comparaison, il peut décider d'être plus petit, ou décider d'être légal, ou décider d'être plus grand. Et le complexe, c'est quelque chose qui chapeaute la conscience de l'homme, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de faire les choses, qui l'empêche de s'exprimer. Le complexe, c'est un peu de la gêne, c'est souvent de la peur, c'est de l'orgueil. Ne pas être capable de dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est un complexe, sauf si on est muet, pas de main, on ne peut pas écrire. Ne pas être capable de parler à un individu auquel on donne trop d'autorité, c'est un complexe. Prétendre qu'on est venu au monde pour un petit pain, c'est un complexe. Et nécessairement, toujours avoir besoin de se prouver, complexe de supériorité avec manque d'assurance. Le complexe, c'est la comparaison qui sera faite dans la mémoire de l'homme, à l'insu souvent de l'homme et de la femme et de l'enfant, une comparaison entre ce que lui vit ou perçoit qu'il vit, ce qui est souvent bien différent de ce qu'il est en réalité, comparé à ce qu'il aimerait être. Ou comparé à ce qu'il ne veut pas être. Le complexe de supériorité compare l'humain à ce qu'il ne veut pas être. Le complexe d'infériorité compare l'humain à ce qu'il voudrait être. Et le complexe, du point de vue cosmique, il y a des raisons complexes. Les conférences que je donne, ce ne sont pas des conférences d'ordre psychologique. Il y a évidemment de la psychologie dedans. Mais la psychologie, psychos, veut dire âme, logie, science qui étudie l'âme, psychologie, est une petite partie de l'homme. L'homme est constitué d'un corps physique, tout le monde a pu le constater. L'homme est constitué aussi de vie. L'homme peut être en manque de vie, peut être fatigué, peut être dépressif, peut être nerveux, peut être manipulé par les basses parties de sa psychologie. Et à travers cette manipulation inconsciente qui se fait chez lui, l'homme peut devenir de plus en plus complexé parce que, ayant des buts spirituels, ayant des buts matériels, ayant des buts amélioratifs, ayant des buts conceptuels, l'homme prévoit, essaie de créer une image, idolâtrise ce qu'il voudrait être, et de par le fait même, risque fortement d'être complexé. L'enfant vient au monde. Il n'a pas de complexe physique. Il n'a pas de complexe psychologique. Éternuer en pleine table devant tout le monde, ça ne le dérange pas. Il n'a pas de complexe de crier ou de parler. Il crie, il parle. Il n'a pas le complexe d'essayer. Il n'a pas le complexe d'être limité. Mais nécessairement, l'homme, avec son cheminement de mémoire, ce qu'il appelle l'expérience, engendre la communication de l'expérience d'un expérimenté à celui qui ne l'est pas, et il appelle cela l'éducation. Alors l'humain, par son éducation, prend l'enfant qui n'a pas de complexe et le façonne de façon à ce que l'enfant ne prenne pas trop d'espace dans le monde vital des parents, dans le monde vital des éducateurs, dans le monde vital de la société. Et ce façonnage brime nécessairement les capacités potentielles de l'adulte ou de l'enfant et nécessairement influence à jamais ce que l'enfant sera. Et l'enfant, vous avez été cette matière. Et maintenant, vous êtes le résultat. Le complexe est un phénomène qui n'est pas naturel, mais artificiel. Il est donné par les dieux, il est donné par les théologies, Il est donné par les forces morales, il est donné par les forces légales, il est donné par l'éducation, il est donné par les guerres. Tout ce qui provient de l'expérientiel chez l'homme engendre dans sa psychologie la faculté de comparaison. La faculté de comparaison peut être, si elle est mentale, une faculté associative logique qui peut permettre à l'homme, en comparant, d'améliorer positivement sa condition de vie. Lorsque la comparaison provient du phénomène émotif, lorsque la comparaison est faite au niveau de l'âme, au niveau du corps astral de l'homme, eh bien nécessairement la comparaison émotive sera manipulée par le désir de l'homme, et le désir de l'homme sera manipulé par la comparaison, ce qui finalement obligera l'humain à vivre des stress psychologiques, des psychostress, qui seront imprimés dans son corps physique et qui seront imprimés dans sa cellule, c'est-à-dire que cela va devenir une programmation suffisamment puissante pour obliger l'humain, malgré sa conscience, malgré la consistance de son intelligence, à ne pas être supérieur à la médiocrité. Cela veut dire qu'à la longue, l'humain ne sera plus capable de supporter sa propre intelligence parce qu'il aura été programmé à jouer le jeu d'un être médiocre. Certains vont dire qu'ils ne sont pas médiocres. Par rapport à ce que l'humain peut faire, presque toute la planète est médiocre. L'humain accepte la souffrance à la longue parce que c'est normal. L'humain accepte les incendies parce que c'est normal. L'humain va même accepter un tremblement de terre parce que c'est des choses naturelles. Et lentement, à travers cette habitude, l'humain finit par accepter comme étant naturel et normal d'être médiocre. D'être continuellement assujetti à tout. Ne pas être capable de supporter son intelligence, ça transparaît, ça transpire comment? Ne pas être capable de supporter sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes ne voudront pas se reconnaître lorsqu'ils vont entendre leur voix. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui, pour la première fois, sont enregistrées, passent à la télévision ou à la radio, vont se trouver pieds, vont trouver qu'ils font mauvaise figure. Ça transparaît par le fait que lorsque l'humain répond lui-même à une question qu'il se pose, il ne se croit pas. Qui est lui pour dire ça? Ça transparaît lorsque l'humain se refuse d'essayer de changer une condition. Au nom du fait qu'il a déjà essayé. Lorsqu'il n'était pas prêt, il a essayé. Maintenant, il est prêt, mais il n'est pas pour essayer. Il a déjà essayé. Continuellement, la psychologie de l'homme, ainsi que son mental, sont omnibulés, cachés, occultés par l'idée même du complexe. Qu'est-ce que c'est que le complexe? Le complexe, premièrement, c'est l'empêchement de tourner en rond de la conscience intelligente chez l'homme. Cela veut dire que tout être humain qui n'est pas capable de renier, de maudire totalement et complètement toute forme d'autorité est un être complexé. Ça ne veut pas dire que, une fois qu'on aura maudit, maudire ne veut pas dire détruire. Maudire veut dire être capable de supporter. Êtes-vous capable? Lorsque vous voyez une auto-patrouille de la police stationnée à un coin de rue, lorsqu'il n'y a aucun danger, de brûler un stop pour recevoir une contravention. Vous n'êtes pas capable. Vous êtes complexé. Je ne dis pas ça pour insulter les gens. On parle du complexe du point de vue cosmique. On en parle de façon à s'améliorer. À s'enligner. Lorsqu'on vient à une conférence sur le complexe, il ne faut pas s'attendre à ce que le conférencier dise aux gens qui ne sont pas complexés. Lorsqu'on va voir le dentiste, ce n'est pas pour qu'il nous dise « Ah, vous avez une belle dent » et « Une autre belle dent, vous reviendrez la semaine prochaine. » Ce n'est pas qu'il nous dise « Il y a une dent carriée là. » Là, répondez-y pas. « Puis toi, je suppose ta bouche est correcte. » Okay? On ne fait pas ça dans la matière. Dans l'ordre psychologique, souvent on fait ça. Il ne faudrait pas que tu fumes. Ouais, c'est facile à parler. Toi, tu bouffes comme un cochon. Fait qu'est-ce que nous fumer? Non, l'autre a raison pareil. Qui bouffe comme un cochon, ça ne change rien. C'est bien important. On ne fait pas ce que l'autre fait. Si ce qu'il dit a de l'allure, même s'il meurt de ses problèmes, ce qu'il dit a de l'allure, on l'applique. Le complexe, si on n'est pas capable de refuser, si on n'est pas capable de transcender les lois que l'homme lui-même s'impose, on n'arrivera pas à transcender les lois qui sont imposées à l'homme. Être capable de supporter l'autorité veut dire que nous acceptons d'être un être humain à part entière. Et un être humain à part entière, ce n'est pas une partie d'une société. Ce n'est pas une partie d'une collectivité. Ce n'est pas une partie d'un groupe. Un être humain à part entière, c'est une société. À lui tout seul. C'est une collectivité à lui tout seul. C'est un groupe à lui tout seul. C'est une famille à lui tout seul. Et nécessairement, il devra apprendre, et l'intelligence va le lui permettre, comment vivre en écologie, dans un écosystème qui implique que d'autres humains à part entière seront là. Mais l'humain est complexé de quelle façon? Chaque fois que l'humain est groupé, il est un peu moins qu'un individu. Parce qu'il se noie instantanément, il accepte d'être collectivisé presque génétiquement. L'humain qui a la faculté, et c'est des tests que vous pouvez faire, c'est non seulement des tests, des exercices, des examens, mais c'est en même temps des initiations, des cellularisations. Que nous soyons mal parce que nous vivons un complexe est une condition fondamentale des mécanismes d'évolution dans l'humanité. C'est-à-dire que c'est naturel, c'est normal, que l'humain se sente mal en évoluant. Mais en même temps, l'humain n'ayant pas la faculté complète et lucide de discerner, risque fortement de penser que parce qu'il évolue, il souffre, qu'en réalité, c'est parce qu'il évolue qu'il souffre. Combien d'humains sur la planète n'ont pas encore saisi que ce qui fait mal, ce n'est pas de voir plus clair. Ce qui fait mal, c'est de ne pas voir encore assez clair. Avant que je me pose des questions, quand j'étais niaiseux, ben, je ne souffrais pas. Là, j'ai commencé à lire ces maudits livres-là, là, je me pose des questions, puis là, je pognais. Alors, c'est quoi la solution? Bien, tout brûler ça. Non. Quand l'humain commence à se conscientiser, quand ça commence à vouloir se réveiller, l'humain n'a pas le choix, il ne peut pas rétrograder, il ne peut pas retourner en arrière. Le complexe chez l'humain va faire en sorte qu'il va penser avoir touché à un feu interdit. Il mettra l'énergie, il mettra l'émotion qu'il voudra ou le mot qu'il voudra. Et l'homme va penser que c'est parce qu'il voit plus clair qu'il souffre. C'est parce qu'il ne voit pas assez clair qu'il souffre. Maintenant qu'on sait qu'on pollue tout, là, c'est chiant. On a de la misère à marcher dehors, on ne sait plus si on jette notre Kleenex ou pas, on se sent coupable le moindrement qu'on crache. Non. C'est pas parce que maintenant vous savez qu'on pollue que c'est souffrant. C'est parce que vous ne savez pas comment faire pour ne pas polluer. C'est pas parce que l'humain voit qu'il souffre. C'est toujours parce que l'humain ne voit pas qu'il souffre. Lorsque l'être humain vit de cette révolution, il doit passer par-dessus ses complexes. Et on peut parler des petits complexes microscopiques, minuscules, comme le complexe d'infériorité face à un ami, face à son patron, face à un employé, face à son père, face à sa mère, face à ses enfants, face à quelqu'un de sa famille. Petit minuscule complexe, le genre de personne qui s'assoit toujours comme ça. Eh bien, évidemment, elle peut être un peu complexée. C'est un tout petit complexe. Ce n'est pas quelque chose de gros. Sérieux. Mais, et nécessairement, comme tout le monde rit d'elle, elle attire encore le complexe. Alors, à son insu, elle travaille contre elle. Elle va dire qu'elle n'a pas peur. Elle peut même crier puis gueuler. Mais elle referme tous ses mécanismes psychologiques, ce qui nécessairement, par la voie hypothalamienne, par les parties inconscientes de l'expression de l'ego, engendre une mobilisation du corps qui vient trahir. Lorsqu'une personne veut travailler sur les complexes, ça ne vaut pas la peine qu'elle travaille sur une petite chose. C'est comme ôter une bébête à patates sur chacun des plants de patates. T'es mieux t'organiser pour planter des oignons à travers. On va s'en aller, les bébêtes à patates. Certains diront arroser ça de poudre blanche. Bon, ben, c'est comme vous voulez. Lorsque nous parlons de complexes, il y aura une partie de questions. Vous pourrez poser des questions sur les complexes, s'il y a des choses particulières ou sur n'importe quoi, comme à l'habitude. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que régler le problème règle les petits problèmes qui en découlent. Régler le complexe règle nécessairement toutes les formes de complexes. Être capable de se supporter veut dire être capable, non pas de s'accepter tel que nous sommes, pas ça que ça veut dire. S'accepter tel que nous sommes, il n'y a pas d'humains encore sur la planète qui sont capables de le faire intégralement, d'une façon absolue. Pourquoi? Parce que l'humain ne sait pas qui il est. Alors, s'accepter comme il est, c'est bien compliqué. Tu peux accepter ce que tu penses que tu es. Mais accepter ce que tu penses que tu es, c'est t'empêcher d'être ce que tu es. Et je vais vous dire comment on peut arriver à découvrir qui nous sommes. Normalement, naturellement, pleinement. Qui nous sommes. Pour découvrir qui nous sommes, nous devons éliminer des barrières, les complexes, qui empêchent totalement l'expression libre de ce que nous sommes. Et ces complexes engendrent la souffrance chez l'homme pour obliger l'homme à ne pas voir, pour obliger l'humain à ne pas avancer, pour obliger la femme à reculer, pour obliger l'enfant à fermer sa gueule, à se taire, à s'écraser dans son coin. Chaque fois qu'une chose vous est interdite, par manipulation interne, chaque fois qu'une chose vous est interdite, chaque fois que vous ne pouvez faire une chose, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a comme un phénomène énergétique qui vient vous gruger, qui semble irriter une matière quelconque. C'est l'énergie de l'astral, de l'âme, qui est en train de têter, de puiser l'énergie vitale du corps physique, et cela engendre un stimuli interne dans le corps physique qui ressemble à une souffrance qui n'est pas apparemment matérielle parce qu'elle est d'ordre vital. Elle peut être exprimée dans le système coronarien par l'intermédiaire d'un centre d'énergie vitale, un carrefour d'énergie, certains appellent ça les chakras, le chakra, le centre d'énergie coronarien, cardiaque. Cela peut être exprimé dans le centre laryngé, avec la gorge nouée, puis capable de parler, de la misère à avaler. Cela peut s'exprimer de plusieurs façons. Mais ce que je veux dire ceci. Vous n'êtes pas capable de vous rentrer n'importe où. Évidemment, vous devez apprendre à être écologique et vous devez faire attention aux pièges. Il y a toujours des maudits pièges qui attendent celui qui évolue, parce que le piège est finalement l'examen ou l'initiation par excellence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humain peut sentir de la puissance, c'est normal, du complexe d'infériorité, il risque de tomber dans le complexe de supériorité s'il commence à se rendre compte qu'il a une technique pour se débarrasser de son complexe d'infériorité. Vous n'êtes pas capable de casser la vitre là, bien prenez une roche puis cassez-la. Quand vous avez cassé la vitre là, vous voyez ce qui se passe en dedans, tout le long, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la longue, vous devez programmer votre psychologie, votre ego, que souffrance ou pas, ce que vous voulez faire, vous le ferez. Et nécessairement, à moyen terme, la souffrance disparaît. Et il est bien évident que si vous choisissez la vitre du magasin Eaton au coin de telle rue, il faudra préparer suffisamment d'argent. Bon. Et il faudra essayer de rencontrer un juge qui est venu à une conférence. Bon. Ça risque d'être assez complexe. Ce que je veux dire lorsque je parle d'ajustement, c'est cela, s'ajuster. Alors, au lieu de casser les vitres, parce qu'il peut y avoir un manque d'écologie, chaque fois que nous voulons faire une chose et qu'à l'intérieur de nous, ça ne veut pas, sachez que, premièrement, l'homme est manipulé. Sachez que, deuxièmement, ce n'est pas lui qui est son seul maître. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte. S'il y a une lutte, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'homme qui veut faire quelque chose et il y a toute une machinerie qui l'empêche de le faire. Et cette lutte, elle doit mener nulle part. Normalement, cette guerre va gagner dans la résistance, c'est-à-dire, nous ne le ferons pas. Ou nous allons tellement tempérer. Quelqu'un, votre voisin, joue au hockey. Et lorsqu'il joue au hockey, on en parle un peu dans le journal local, et puis à un moment donné, on voit sa photo, puis le voisin, il est là, et puis bon, il a gagné le mérite du gars qui ôtait ses patins le plus rapidement après la partie. Bon. Le voisin, on le connaît un peu. Maintenant, sommes-nous capables d'aller féliciter notre voisin en lui donnant une poignée de main puis en lui achetant une bouteille de vin? Sommes-nous capables? Si on n'est pas capable, on le fait. On n'apprend pas de soi en allant dans un cours de relations humaines. On n'apprend pas de soi en allant dans des conférences. Dans des conférences, on peut apprendre des choses, mais on ne peut pas apprendre de soi. Dans une conférence, en lisant un livre, à la télévision, dans des cours, on peut apprendre comment fonctionnent les choses. On peut apprendre quelles sont les lois karmiques, quelles sont les lois qui régissent l'évolution des humanités. On peut apprendre qu'est-ce que c'est que le complexe. On peut apprendre de quelle façon l'être humain est manipulé. On peut apprendre à avoir une parole juste. On peut faire des choses. Mais on n'apprendra jamais dans une conférence. Qu'est-ce que l'on fout sur la planète? Quel est le rôle de l'homme? Quelle est notre fonction? Ça, on ne l'apprendra pas d'une conférence. Cela fait partie de l'initiation, c'est-à-dire que l'humain, par la vie, l'apprendra s'il accepte d'ouvrir ses sens, pas juste physique. C'est important. Tout ce que nous voulons faire, que nous ne pouvons pas faire, prouve que l'être humain est plugué sur du complexe. Et la solution miracle, la solution fast-food, la solution McDonald's, il n'y en a pas. L'homme doit transformer ce qui, chez lui, est devenu une programmation qui entre en fonction, une mémoire d'intervention très efficace, qui rentre en fonction chaque fois que l'homme risque de découvrir qui il est. Quand je parle d'homme, vois-tu, quand je parle de la femme et de l'enfant. Qui je suis? Suis-je? Là, quand la personne dit, moi, je suis un peu heureux, je suis un gars complexé, je suis un raté, c'est pas elle. C'est foutrement pas elle. Elle n'est pas cela. C'est cela qu'elle exprime. Elle permet que son corps serve à d'autres motricités évolutives ou involutives. Elle se permet de servir l'humain, d'être l'esclave, d'être trop bonne, d'être trop cave. Je suis trop ceci, je suis trop cela pour faire ceci, pour faire cela. Alors, commencez par des petites épreuves. Mais il faut absolument que l'humain se prouve qu'il est capable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, parce que dans le terme psychologique, on dit « prouvez-vous que vous êtes capable ». Dans la réalité des choses, c'est détruisez la programmation qui vous inhibe et remplacez-la par une programmation qui va vous laisser libre. C'est ça, se prouver qu'on est capable. Se prouver qu'on est capable, c'est psychologique, c'est motivateur, c'est lorsqu'on ne comprend pas la mécanicité. L'enfant n'a pas de problème, de complexe. Donc, nécessairement, il n'a pas, mais ce n'est pas lui. Mais lentement, on vient dans sa mémoire, dans son âme, dans sa psychologie, dans son phénomène astral, on vient rentrer de l'information expérientielle, de l'éducation. L'enfant va aux toilettes, il ressort avec ce qu'il a sorti, et puis il va montrer ça à ses parents tout content. Les parents, première fois, deuxième fois, ça marche. Lorsque le propriétaire vient visiter la maison de nouveaux locataires, l'enfant fait la même chose. Là, au combo-là, ça ne marchera plus. Alors, on punit l'enfant. Et finalement, à travers toute l'éducation, et ça, ne blâmez pas vos parents, et ne vous blâmez pas en tant que parents, cela fait partie des conditions d'ignorance de l'homme, c'est-à-dire que l'humain, premièrement, ne peut pas discerner le bien du mal tant qu'il ne l'a pas fait, et que l'humain ne sait pas ce qu'il fait dans la majorité des cas. Il fait ce qu'il pense être bien d'être fait et il fait son possible. Alors, blâmer les parents qui, chaque fois que j'étais libre, m'ont donné une volée, c'est ridicule. Eux ont fait ce qu'ils croyaient bon d'être fait. Maintenant, mon travail à moi, ce n'est pas de prendre mon énergie et de blâmer le passé, c'est de prendre mon énergie et de travailler avec. À 2 ans, je pouvais prendre mon bain, puis lorsque quelqu'un rentrait dans la chambre de bain, ben, ça ne me dérangeait pas d'être nu. À 8 ans, je ne pouvais plus. À 12 ans, je pouvais encore moins. Lentement, on devient complexé. Et l'orgueil de l'homme est puissant à un point tel qu'elle va trouver normal. Quand même, il faut savoir vivre. Et là, ce n'est pas un complexe, c'est de la bonne éducation. Presque 100% de la bonne éducation est du complexage d'homme. Un être humain, savez-vous qu'est-ce que c'est de la culture d'homme? De la culture d'humain. On prend un grain de blé et chaque fois qu'il pousse une feuille qui ne nous plaît pas, on la coupe. C'est de la culture. Chaque fois que c'est un petit peu croche, là, on met un tuteur. On appelle ça un tuteur. Le tuteur, c'est un tronc, un morceau mort qui devrait diriger la plante vivante. C'est comment, lui? Et tout ça fait partie de la culture. Et on cultive l'homme, on élève des enfants. On parle de temps en temps d'éducation, mais l'éducation, c'est de faire en sorte que tous nos problèmes, nos barrières, bien, que les enfants les aillent avec, hein, ça fait moins chier. Oui, quand l'enfant est rendu qu'il peut faire des choses que nous autres, on s'interdit, bien, évidemment, il y a un problème. On passe pour des mots du cave. Il y a une solution, changer ou les changer. Puis nécessairement, étant orgueilleux comme l'humain est orgueilleux, il préfère changer ce qui est pur. Comment pouvons-nous voir qu'une chose est bien en la comparant du mal? Comment pouvons-nous voir que le mal est bien en détruisant le bien? Il ne restera que le mal, donc il ne restera que le bien. Lorsque nous sommes paramétrés, alors laissons faire l'éducation, comprenons simplement que nous nous sommes éduqués, nous avons accepté certaines formes d'éducation, et lorsque nous étions jeunes, les parents fonctionnaient comme nous avons fonctionné, fonctionnaient à partir des programmations de leur propre éducation, du caractère social, c'est-à-dire du collectivisme. Tout à l'heure, je vous disais que lorsque l'humain acceptait d'être en gang dans sa conscience, il était moins qu'un individu, c'est ce qui nécessairement a engendré une problématique, un paquet de phénomènes au niveau de l'évolution des parents qui nous ont évidemment éduqués, dans le mieux de leur connaissance. Je répète, l'humain, quand on dit le heureux, le royaume des cieux est à ceux qui sont de bonne volonté, alors heureux les hommes de bonne volonté quand le royaume des cieux est à eux. J'ai déjà souvent expliqué que les hommes de bonne volonté, il n'y avait que ça sur la planète Terre. Celui qui pose une bombe pour sauver son pays est un être de bonne volonté. Celui qui fait un vol est un être de bonne volonté et convaincu dans l'instant où il fait le vol que c'est honnête pour lui. Celui qui fait du vol à l'étalage dans un magasin puis qui se dit « Oh, il nous vole assez », c'est un être de bonne volonté. Il est convaincu qu'il fait bien. Les parents étaient des êtres de bonne volonté et lorsqu'à un moment donné, on enfermait les enfants dans des garde-robes, eh bien, c'était correct. Lorsqu'on les fouettait à coups de strap à l'école, c'était correct. Et lentement, c'était plus correct. Parce que les enfants commencent à doubler l'année, peut-être. À force de doubler les années, ben, les enfants de sixième année, avec ils mesuraient 6 pieds, avec 15 ans, puis ils tapaient les directeurs d'école. Fait qu'ils ont cessé de taper les enfants avec la strap. Bon. Un phénomène écologique. L'humain est libre à la naissance. C'est ça que l'homme est. De la liberté. L'humain n'a pas de libre arbitre, mais l'humain a une liberté de conscience. Il a la faculté de voir tout ce qu'il a la faculté de voir. Jamais aucune limitation manipulatrice ne vient omnibuler la vision de conscience de l'intelligence chez l'homme, sauf l'homme. L'homme est son propre prédateur. C'est lui qui se tue, c'est lui qui se vieillit, et quand ce n'est pas suffisant, il engendre la guerre. L'homme, dans son évolution, est son propre prédateur. Et nécessairement, ce prédateur finit par faire tellement bonne figure parce qu'il est plus efficace que la partie libre chez l'homme qu'on la vénère. Où on aura maintenant des colères normales, justifiées. Où on aura des complexes qui seront maintenant de l'éducation. Quand l'humain éternue, excusez! Elle n'a qu'à pas éternuer. S'il ne faut pas éternuer, si elle ne peut pas, elle n'a pas à s'excuser. Pas de sa faute. Toute la programmation est basée de façon à ce que l'humain se garde médiocre. Cela engendre même des complexes nationaux. Cela engendre des complexes planétaires. Cela fait en sorte que l'humain devienne une larve rampante devant ce qu'il appelle les dieux. Et dans la majorité des cas, ces dieux ont été créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et toutes les misères que l'homme a menées sur la planète, il les aurait mis entre les mains des dieux et des forces du mal. Il y a un phénomène créationnel, n'en parlons pas pour l'instant. Chose qui est bien évidente, c'est qu'il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien d'inintelligent qui n'a la faculté de créer quelque chose d'inférieur. Si l'on veut faire de la théologie, quelle que soit l'obédience, Dieu n'a aucun intérêt à créer un être inférieur. Sinon, Dieu est un maudit niaiseux. C'est lui-même un être inférieur. Alors, apparemment que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, depuis ce temps-là, l'homme a l'air à le regretter. Il a l'air d'être satisfait, l'homme. Il se maquille. Il se met des perruques. Il se cache le corps. Il trippe pour oublier qu'il est là. Il écoute de la musique, il boit, il se drogue, il s'occupe, il joue aux cartes, il joue au ping-pong, il passe le temps. Puis quand il a fini de travailler, il dit « Enfin, un autre de fini. » C'est ça, un autre de moins à vivre. Si l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme est son égal. L'homme est pourri, l'homme est tout croche, c'est une raison pour ramper. On a deux humains, puis il y en a un qui est malade, il a attrapé le paludisme. Pas de sa faute, il y a une bébite qui est venue le piquer, pas l'autre. Alors, il devient malade. Est-ce qu'il faut, mais est-ce qu'il est nécessairement inférieur à l'autre? Plus il est malade, plus il faut qu'il rampe. Mais c'est à croire que c'est ce que l'humain aime faire devant ses forces qui apparemment nous auraient créées. Parce que nous avons un corps qui nous limite. Vous savez, quand l'humain se dit, oui, on est des êtres rampants, donnez-moi un corps qui vole, il m'a volé. Ah, t'es pas capable, hein? Non, on me l'a pas donné. C'est pas de ma faute, je peux pas me mettre à ramper parce qu'on me l'a pas donné. On rampe devant tout. Il est bon de tolérer ce qu'on ne peut changer. Et il y a une maxime qui provient du passé et qui a été reprise par les alcooliques anonymes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer et de changer les choses que je peux changer, quelque chose dans le genre. De changer celles que je peux changer. Bon. En réalité, on ne devrait jamais accepter les choses qu'on ne peut changer. Que je dis, mon Dieu, donne-moi la sérénité ou la force d'accepter les choses que je ne peux changer. C'est mon Dieu, tape-moi sur la tête, écrase-moi à plat ventre et marche dessus autant que tu voudras. L'humain doit tolérer ce qu'il ne peut changer jusqu'au jour où. Pas accepter. Les Russes envahissent l'Afghanistan. Tu tires 3-4 balles, t'essayes un peu, on massacre un village. On ne peut rien changer. On va l'accepter. La maladie, la peste bubonique massacre l'Europe. On fait tout pour guérir, ça ne marche pas. Mais on va accepter ça. Chance que des humains qui ont décidé qu'ils n'acceptaient pas et qu'ils toléraient. Ils ont travaillé pendant ce temps-là, ils ont fini par inventer des médicaments, des substances, des vaccins, des choses qui permettent maintenant d'éliminer ça. L'homme doit absolument se libérer de tous ses complexes et la façon de se libérer de ses complexes est de commencer immédiatement par transcender le phénomène d'autorité hiérarchique qui nous est conditionnellement programmé dès notre naissance. Cela veut dire que tout ce que vous ne pouvez accepter de par votre intelligence, mais qui ne peut être accepté que par la douleur à l'intérieur de soi, devra être rejeté comme étant autre chose que l'homme. Chaque fois qu'une souffrance m'habite, c'est qu'il y a une chose qui ne m'appartient pas, que je veux garder. Je veux dire à quelqu'un que je le trouve cute. Et je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Qui suis-je? Je suis celui qui veut le faire. Je suis celui qui ne pense pas avant d'agir. Je suis celui qui est instantané dans l'action. Pas celui qui est barré par ses mémoires. Pas celui qui se met à y penser avant et qui finalement va se rasseoir. Pas ça que je suis. Il fait beau, il pleut, tu viens pour sortir, ça te tente de te faire mouiller, puis là, à un moment donné, tu te rends compte que ça n'a pas tellement d'allure. Où elle est l'allure? Je me suis déjà baigné dans la neige à moins 40 sous zéro. Et j'avais un de mes amis qui travaille ici qui avait la grippe et qui est venu se baigner lui aussi. Et il n'a plus la grippe le lendemain, il était guéri. À 65 ans, quand on a déjà eu deux infarctus du myocarde, ce n'est pas recommandé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de tabous, de choses qui ne se font pas, qui rendent l'homme, ni la femme et l'enfant tellement faibles, que finalement c'est vrai que ça ne se fait plus. Je ne fais que m'en aller dans la forêt, sur le bouclier canadien, pour découvrir comment les conditions de vie là sont précaires. Et pour savoir que finalement, quand les Blancs sont arrivés ici, ben les Indiens vivaient pareil. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Mais il était peut-être drôlement moins complexé, culpabilisé et médiocre que l'homme blanc d'aujourd'hui. Nous sommes de la liberté. Ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la théologie. C'est de la constatation. Énormément de fois, l'humain vient instantanément, il appelle cela naturellement, pour faire quelque chose, niette, ça ne passe pas. D'où le complexe planétaire, où l'homme s'interdit ou accepte de se voir interdit les choses qu'il a besoin, les choses qu'il recherche. Certains manquent d'affection. Et le manque d'affection peut être bipolarisé. On peut manquer d'affection, on a besoin d'en donner, et on en recevra, mais d'une autre sorte. Donc, on pourra dire, on a besoin de donner de l'affection, c'est un manque d'affection. Et on a peut-être aussi besoin de se faire masser, de se faire parler, de se faire toucher, d'en recevoir. Ce n'est pas du têtage lorsqu'il y a un échange mutuel d'énergie. C'est essentiel que cela se fasse. Pourquoi? Parce qu'au long, au courant de notre journée, tout au long de notre vie, nous ramassons des énergies qui ne sont pas nécessairement les nôtres, qui ne sont pas polarisées pour être en affinité avec notre corps, et nous en donnons. De temps en temps, la partie égoïque, l'âme, entre autres la psychologie, qui, elle, vibre d'une nourriture émotive, a besoin de se faire re-énergiser. On arrive de travailler, on est fatigué. C'est évident que si le mari ou si la femme ou si les enfants veulent faire un massage à celui qui vient de rentrer, la personne va vivre heureuse. Mais il y aura un paquet de phénomènes. Oui, mais là, j'ai massé mon fils ou ma fille, elle est rendue à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. C'est un peu tard. Alors, posez-vous la question, ça vous tenterait-tu? Oui, c'est ça que vous êtes. Tout le reste, c'est pas ça que vous êtes. C'est ça que vous allez exprimer, mais c'est pas ça que vous êtes. Ça, c'est des complexes. Il est trop tard. Oui, mais elle va penser quoi? Masse la bain, elle ne pensera rien. Commence par le cou et les omoplates, puis tu vas voir que même si ça te trouve folle ou fou, ça ne dérangera pas trop. L'humain a besoin de relations. Physiquement, on a besoin d'énergie. Alors, on mange, on boit, on ramasse un peu de soleil, on ramasse de l'eau, par les pieds, par la peau et de l'air. L'humain a besoin vitalement de nourriture. Il le ramassera aussi par l'alimentation, les légumes qui sont vivants, les fruits, le soleil, l'eau qui provient du sol, qui est yinique. Il le ramassera aussi, il y a l'énergie yan provenant du soleil, qui peut provenir de tous les fruits et légumes qui poussent en surface. Il y aura l'énergie yin que l'homme a absolument besoin. L'acupuncture connaît suffisamment les débalancements de ce phénomène pour en connaître les maladies. L'énergie yin provient de l'eau, provient des racines, provient de ce qui pousse sous la terre. Mais il y a aussi l'énergie ominale que l'acupuncture ne connaît pas, qui est de l'énergie vitale. L'énergie ominale, elle est créée exclusivement chez l'homme. Elle est captable par la partie médiale du nez lorsque l'humain a la faculté de respirer intercostalement. Et cette énergie, elle est échangeable par le magnétisme de l'homme. Par où le corps vital ominal est-il connecté? Il est connecté par les mains. Yin et yang sont connectés par les chakras que l'humain connaît, dans la majorité des cas. Le plan ominal est relié aux deux mains, aux deux pieds, aux côtés, ce côté-ci, et à la tête. Lorsqu'une personne se fait manipuler par son corps vital ominal, puis que ça se fait tirer parce qu'il y a trop de tétage, parce qu'il y a un paquet de raisons, ça peut engendrer des déchirures corporelles qui vont être appelées stigmates. Je dis cela comme ça, là. C'est intéressant. On a crucifié le Nazaréen ici. Les stigmates apparaissent là. C'est normal, c'est là que le dos éthérique, au niveau du plan ominal, est relié à l'homme, à la tête, au côté et au pied. Bon. Lorsque l'homme a besoin d'une nourriture ominale, il ne peut la chercher que dans l'homme. Alors, il aura besoin de toucher autrui. Il aura besoin peut-être de relations sexuelles, il aura besoin de massages, il aura besoin de contact physique. Physique. C'est essentiel. Ce contact physique nourrit. Et le gros problème, c'est que l'humain est convaincu, trop convaincu, que seul un être, ou deux, ou trois, particuliers, peuvent nous apporter ce contact. Ce qui est faux. Parce que l'humain n'est pas naturel, parce que l'humain n'est pas libre, il se refuse le contact avec des inconnus, il se refuse le contact avec d'autres personnes qui sont en affinité. Et on doit comprendre cela. C'est important. Lorsque l'humain est complexé, il ne peut pas voir les choses qui sont naturelles sans en souffrir. Lorsque l'humain est complexé, il ne peut pas laisser couler les événements naturels sans en souffrir. Lorsqu'un individu vit un état émotif, c'est communicatif, c'est naturel. Et la majorité des humains sont capables de se sentir mal pour un autre parce qu'il y a le complexe. Pendant trop de temps sur la planète, l'humain s'est lui-même barré le chemin. Pendant combien de milliers d'années le mâle devait-il ne pas pleurer? Et lorsqu'un homme pleurait, tout le monde était mal pris. complexe. C'est une chose naturelle qui ne devrait jamais être vécue de façon souffrante par aucun individu. Lorsque moi je pleure, je pleure. Lorsque je ne pleure pas, je ne pleure pas. Ce sont des choses naturelles. Et bien souvent, l'humain n'est pas capable de vivre des choses naturelles parce qu'il vit des choses artificielles. Je dis ceci parce qu'il y en a qui vivent ce phénomène d'expérience. Il est important de comprendre que la nourriture vitale du phénomène ominal provient du contact physique et ce n'est pas important que le contact physique soit exclusivement limité à des individus avec lesquels émotivement on est relié. Alors, lorsqu'on est tout seul, on n'est jamais mal pris. Lorsqu'on est seul, on est mal pris parce qu'on est omnibulé, encore une fois, par nos complexes. Et lorsqu'on se rend compte qu'on est complexé, mais à se faire étouffer, ne rajoutons pas l'ultime complexe, la culpabilité. Culpabilité, ça commence par C-U-L et c'est là que ça va. Lorsqu'un être humain découvre qu'il est pogné, il est juste prêt à se libérer. Parce que tant qu'il ne sait pas, il continue à vivre son cheminement. Je répète que ce n'est pas parce que l'on découvre des choses que l'on souffre, c'est parce qu'on refuse que l'on découvre ou parce qu'on ne découvre pas ou on ne voit pas assez. Alors, au nom de cette hostie de souffrance, continuons à voir clair. Parce que je souffre, je vais m'enterrer. Alors, un jour, je reviendrai à cette souffrance et j'irai m'enterrer. Quand je souffre de trop comprendre, continue à comprendre. C'est là que la souffrance s'en va. Au niveau de l'âme, au niveau de la psychologie, au niveau du plan astral, chez l'homme, il a besoin aussi d'être nourri. Il va être nourri par l'abreuvement endoformique. Qu'est-ce que c'est? Et que c'est complexe. Il va simplement aller voir un paysage extraordinaire. Il va fermer sa grande trappe, il ne pensera plus, puis il va juste le boire. Il va aussi être capable d'être abreuvé par l'instruction de l'ego. C'est-à-dire, l'ego, l'âme, c'est quelque chose qui est insécure. Disons que le symptôme le plus parfait de l'ego, c'est l'insécurité. Là, on sait qu'il y a de l'ego dans un humain. L'insécurité peut s'exprimer de différentes façons. L'insécurité, c'est là, évidemment, que va être centralisé le phénomène du complexe. L'insécurité. Et tout le phénomène mémoriel, tout le phénomène amique a besoin d'une nourriture qui vient nourrir ses mémoires. C'est pourquoi ce sera souffrant lorsqu'on déménage, lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aimait ou avec qui on a vécu, lorsqu'il y a des changements. Nos mémoires ne pourront plus être nourries, ça crée une souffrance d'adaptation. Comment on nourrit ce phénomène amique? Bien, on le nourrit en l'instruisant, c'est très important. Le nourrir, il le faut. Alors, je peux dire à quelqu'un, c'est bon, lâche pas, t'es un champion. Mais je dois faire attention pour ne pas qu'il devienne trop orgueilleux de ce que je lui dis. Parce que là, je le nourris et je développe, j'entretiens le phénomène du complexe. Il ne pourra pas savoir de par lui-même qui il est. Il aura l'impression du complexe de supériorité d'être quelqu'un d'autre. On nourrit l'ego, l'astral, par la parole, par les mots doux, par les présents endoformiques. Et je répète encore une fois, c'est que bien souvent l'humain, par son complexe, refuse les présents d'autrui, qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît peu. Et on ne doit pas faire cela. On se limite. On se limite. Quand je rencontre des hommes qui me disent, moi, depuis que j'ai plus de femmes, je suis libre, je peux rencontrer toutes les femmes que je veux. Le gars ne couche pas avec toutes les femmes qu'il veut. Le gars peut rencontrer toutes les femmes qu'il veut. Et là, il a découvert que la femme n'était pas folle. Mais tant qu'il y avait une femme avec lui, il ne pouvait pas sortir un soir, souper avec une femme, aller chez elle, jaser ou faire n'importe quoi d'autre. Il ne pouvait pas. Il y a des morales, il y a tellement de blocages sociaux, il y a tellement de blocages éducatifs, il y a tellement de blocages dans tout ce que nous sommes que nous nous limitons au nom d'un paquet de raisons morales. Nourriture amique, nourriture psychologique, c'est intéressant. Et on doit apprendre à s'en servir. L'infirmière dans un hôpital qui s'occupe de bébés dans une pouponnière tête régulièrement les bébés au niveau émotif. Ça stabilise son émotion. Ça peut fonctionner. Et c'est pas dangereux. C'est pas grave. Le bébé, il est correct. Le bébé, lui, avec, il tête l'infirmière. De toute façon, il a besoin d'une présence. Mais si la personne rentre, « Ah, mais c'est pas mon bébé, fait que je peux pas, ça marche plus. » Mais le bébé étant tellement pur que le complexe tombe. À l'instant, ça devient un peu plus grand. « Oui, mais c'est pas mon enfant. » Et on recommence. Oui, mais c'est pas mon chum, c'est pas ma blonde, c'est pas ceci, c'est pas cela. Faire attention à ce genre de complexe. Et parce que l'humain est complexé, bien souvent, pour essayer de devenir supérieur, il transcende certains tabous pour tomber dans l'autre piège. Le gars qui décide de faire un massage à sa voisine, mais qui finalement ne peut pas s'empêcher de faire avoir une relation sexuelle avec, c'est qu'il est, il essaie de briser le complexe, puis il tombe dans l'autre côté, complexe de supériorité. Chaque fois qu'il va rencontrer une femme, il va être fait. Alors, l'humain doit apprendre à se libérer. Et pour cela, il devra passer par certaines mécanicités qui apparemment sont amorales. Dans le sens, tu viens ici au centre, tu vois les fleurs, tu attends que la conférence commence, tu te lèves, tu arraches une plante, tu vas te rasseoir. Là, tu regardes ce qui se passe ici. Si tu te sens supérieur, remets la plante, t'as rien compris. Si tu te sens que c'est rien passé, c'est parfait. Si tu sens qu'il y a eu ça à travailler, ça a été dur, c'est parfait. L'humain va dire, oui, mais la prochaine fois, si je recommence, ça va être aussi dur. Aucune importance. Acceptez de vivre un peu de cette souffrance, elle va s'en aller. Si on accepte de se laisser être ce que nous sommes, nécessairement, on devra détruire le concept que nous avons de nous-mêmes. Et le concept que nous avons de nous-mêmes, c'est de la mémoire. Et de la mémoire, ça souffre toujours d'être transformé. Nécessairement, si l'homme veut devenir lui-même, il souffrira dans la transition. Mais une chose certaine, c'est qu'un jour ou l'autre, il devra passer par là. On peut arracher une rose lentement, lentement, lentement, puis s'enfoncer les épines dans la main pendant des années pour arracher la rose et la jeter. On peut la prendre d'un coup puis la lancer. Et chacun a son chemin à faire. Chacun pourra faire le choix qu'il pourra faire. Mais une chose qui est évidente, c'est que l'humain doit dépasser des complexes pour arriver à se nourrir, à s'équilibrer. Du point de vue mental, c'est la même chose. Je ne peux pas jaser avec un tel auteur. Lui, il écrit des livres, pas moi. L'humain est intelligent, l'humain est brillant. La seule chose que l'humain a besoin de faire pour s'en rendre compte, c'est d'être libre, d'être lui. Vous voulez vous habiller en blanc, ça vous tente aujourd'hui. Puis là, vous dites, ben non, c'est l'hiver, c'est tout blanc dehors, ça se porte pas le blanc l'hiver. Complexe. Ah oui, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens sont complexés, ils vont nécessairement être jaloux, ils vont te critiquer. C'est ça que tu veux savoir? Tu le sais. Est-ce que maintenant, pour être libre, tu vas attendre que l'humanité soit libre? Ben, l'humanité sera pas libre parce que tu ne seras pas libre. Toi, tu vas être critiqué. Fait qu'ils vont faire comme toi, tout le monde va attendre. Passez par-dessus. Il y a toute une problématique de complexe et on ne doit pas se culpabiliser d'être complexé. Et ce que je dis, et c'est bien important, il y a suffisamment d'humains orgueilleux sur la planète Terre pour toujours déformer les choses intellectuellement. Ils ajustent cela pour la psychologie complexée et ils mettent de nouveaux mots sur le complexe, des mots qui apparemment sont jolis, comme « bien éduqué », comme morale, comme ça se fait pas, comme ceci, comme cela. Il y a des choses qui écologiquement ne se font pas. Pourquoi? Parce que vous allez vous ramasser en prison, vous allez avoir des amendes à payer, vous allez traumatiser inutilement d'autrui. Alors, on fait d'autres choses, d'autres façons, mais tout ce que naturellement vous voulez faire et que vous ne pouvez pas faire dénote un complexe. On appelle ça complexe peut-être parce que c'est bien complexe à éliminer, à cerner. Mais il y a deux genres de vie pour deux genres d'humains. Il y a le test d'humanité. Il y a celui qui a la faculté d'être réellement un être humain. Pas celui qui est un vermicelle, un être rampant. Apparemment dans un corps d'humain, il est bien déguisé. Mais à sa démarche, on voit que ce n'est pas un humain. Quand il faut prendre une décision puis il attend que les autres la prennent, on voit que ce n'est pas un humain. Celui qui a un problème a un problème. L'être humain qui veut changer. On se fout de tous les problèmes qu'il a. S'il veut changer, il fait partie de la race humaine. L'animal ne veut pas changer. L'animal ne vit pas cette condition d'évolution. L'animal n'est pas évolutif. Mais l'animal est adaptatif, c'est-à-dire qu'il évolue quand l'extérieur change. Il évolue ou il meurt. Il y a près de 5 milliards d'humains sur la planète Terre qui n'évoluent pas. Ils évoluent à la Darwin, de façon adaptative. S'il y a une guerre, bien, on s'adapte. S'il y a une famine, bien, on s'adapte. S'il y a bien de la bouffe, bien, on mange comme des cochons, on s'adapte, puis bon, ça va. Mais l'humain n'a pas encore cette faculté. Ce n'est pas suffisamment répandu et ce n'est pas suffisamment stable chez lui, cette faculté de changer. Je suis un tas de marde. Mais quelque chose chez moi me différencie des autres tas de marde, c'est que je le sais. Le sachant, cela prouve que j'ai une conscience de mon état. Si j'ai une conscience de mon état, je peux nécessairement altérer en bien ou en mal mon état. Cela veut dire que je peux évoluer. Et voilà, la merde humaine est partie. Et là, l'humain, ben, il est dans sa merde et puis il se dit, je veux sortir un bras. Après ça, il se dit, crime, je n'ai peut-être même pas de bras. Et il l'accepte. Tolérer. Trouver intelligent ce qui doit être. Et à la longue, cela sera. Comment ça fonctionne? C'est simple. Toute la recherche évolutive de l'homme est à l'amener à fuir la souffrance. On appelle cela aussi l'amélioration. Comment se connaître? Comment se retrouver? Comment fonctionner? Bien, éliminer les barrières. Imaginez-vous que vous voyez Dieu apparaître dans votre chambre. Puis le maudit cochon, il a oublié de s'habiller. Allez-vous être capable de supporter la vision de Dieu? On peut dire que c'était pas Dieu. Avec nos concepts. Dieu, il fallait qu'apparaître sa tête. Au moins, il y a des anges en avant, il y a des vignes qui poussent avant qu'ils sortent, il y a quelque chose, mais... On peut mettre du concept puis s'amuser. Ça marche. Mais on est complexé. Dites-moi quelle est la différence entre une oreille et une oreille. Entre une oreille et le nez. Entre une oreille et la bouche. Entre une oreille et le nombril. Il n'y a qu'un pas, là, hein? Entre une oreille et un pied. Le complexe. C'est la différence. En Amazonie, il y a une tribu, je l'ai déjà compté, je l'ai dit très brièvement pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas la mémoire. Il y a un bonhomme qui est rentré là et tout le monde était à poil. Mais c'était pas vrai, tout le monde avait un petit cordon autour de la taille. Bon. Et puis, à un moment donné, tout le monde se lavait. Fait que lui, le bonhomme, ben, qui était un explorateur, ben, il s'est déshabillé pour aller se laver avec les Indiens dans la rivière. Puis tous les Indiens se sont tournés, se sont cachés, ils sont mis à nager sous l'eau. Alors, le gars, il comprenait pas. Puis là, il y a un vieux bonhomme qui est arrivé par en arrière sans le regarder. Puis il a dit, « Hey, t'es tout nu. » Il dit, « Oui, mais vous êtes avec. » »« Oh non! Quand on a de petites cordes, on se regarde pas. » Lui, il n'y a pas de corde autour de la taille. Alors, il s'est mis une corde autour de la taille, puis là, il est habillé. Et ça, c'est authentique. C'est simplement que les Indiens avaient une visualisation intéressante. Puis c'était comme ça. Ça avait toujours été comme ça. On ne voyait pas. Quand on plaçait sa corde chez soi, c'était quoi? C'était notre sécurité. On refermait le cercle énergétique, c'était nous. Quand on la détachait pour la laver, eh bien, c'est comme si on révélait... Bon... psychologiquement, tout ce que notre être était à l'extérieur. Alors, par politesse, c'est ce qui arrive ici avec les vêtements, il y a un paquet d'autres choses, bien, par politesse, ces indigènes-là, lorsque l'autre y a de sa corde, on ne le regarde pas. Alors, il peut rester dans son intimité. Elle n'est pas sexuelle, l'intimité. Elle est philosophique, elle est conceptuelle, elle est théologique. C'est la même chose pour la vestimentation de l'homme, pour un paquet d'autres raisons. Mais les indigènes là-bas, c'était quand même, avaient suffisamment évolué pour s'arranger, pour pouvoir souffrir. Imaginez-vous, vous partez à la course dans la jungle, puis une branche qui arrache votre corde, vous êtes tout nu. Puis là, il y a un problème, les feuilles de laurier, ça cache rien. Parce qu'il faut une corde. Ah, ils se mettaient des lianes. Mais c'est un problème que l'humain n'a pas besoin d'avoir, mais que ces humains-là ont. Le coût du timbre à poste n'augmente pas pour eux. Alors, ils se sont inventés un autre moyen de souffrir. Et ils se complexent. Au nom de Dieu. Au nom de ceci. Au nom de cela. Briser tout ce qui nous empêche d'être. Beaucoup de personnes dans leur pensée disent « Et qu'il fait beau. » Et que j'aimerais ça pouvoir être tout seul sur une plage déserte sur le bord de la mer, tout nu. c'est pas sexuel, c'est du bien-être. Mais il y a le tabou. Il y a énormément. Ce soir, ça ne me tente pas de m'habiller luxueusement, mais là, les autres, ils vont. Habille-toi pour qu'on ne te mette pas à la porte. Si y a un portier. Ou amène de l'argent. T'habilleras le portier. Mais on est toujours, toujours, toujours confiné à être omnibulé par des mécanismes de souffrance chez soi qui ne proviennent pas de nous, que nous ne comprenons pas, que nous n'acceptons pas, que nous devrions refuser catégoriquement, même si ils sont là. Gandhi l'a refusé, les Anglais. Les Anglais étaient là pareil. Il a continué à les refuser. Et même mort, au moins, l'Anglais n'aurait pas sa dignité. Il aurait son corps, mais il n'aurait pas sa servitude. Mais les Anglais ne peuvent pas résister à quelque chose comme ça. Et lentement, ils ont sacré leur camp. Lorsque l'humain est mal pris, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème que d'avoir des problèmes, mais c'est un gros problème que de ne pas vouloir se sortir de ces problèmes. Au nom du fait que ça fait 20 ans que j'essaye, bien oui, mais ce n'est pas parce qu'un humain fait pendant 20 ans une chose mal qu'il la fait bien. Il faut bien comprendre. Lorsque l'homme a la faculté d'observer chez lui qu'il a un blocage, bien, il doit travailler exclusivement à outrepasser le blocage. Tout le travail de l'évolution est comme ça. Je ne suis pas capable. Si tu dis ça, c'est que tu as le goût. C'est ça, toi. Je ne suis pas capable, ça, c'est de l'éducation. Ce n'est que de l'éducation. L'enfant essaye tout. Plus il vieillit, moins il essaye. Ah, parce qu'il a expérimenté que 3, 4, 5 fois, il n'avait pas été capable. C'est bien évident que s'il veut sauter le Grand Canyon sans motocyclette et sans auto, là, juste à la course avec des nouveaux running shoes, il risque de se casser la gueule. Mathématiquement, même un ordinateur va lui dire « saute pas ». C'est pas un problème, c'est pas un complexe, c'est de l'intelligence. Mais vous allez prendre une marche. Vous venez avec moi. On va dans la forêt. Et puis moi, je marche. Et soudainement, je coupe un marécage. À travers le marécage, je ressors de l'autre côté. Tout mouillé. Il y a beaucoup d'individus qui vont se demander comment faire le tour. On est dans le bois. Ah oui, mais je ne veux pas être mouillé. Être mouillé, c'est un gros, gros, gros, gros, gros complexe. Il pleut, on se pousse, on se cache, on fait, bon, aller dans des pays développés, décider d'être en vacances, et beaucoup de choses sont moins graves. Puis il se trouve que l'humain qui a peur de la pluie, c'est fou, mais c'est un fait, est plus malade quand il se fait mouiller que celui qui s'en fout. Sortir quand il fait froid, c'est la même chose. Je ne vous énumérerai pas toute la panoplie de complexes qui existe chez l'homme, ça risquerait d'en engendrer un autre. Mais une chose certaine, c'est que pour vérifier et pour arriver à se passer, à outrepasser, à se débarrasser de ces complexes, quel que soit le complexe, on commence par les complexes faciles, c'est-à-dire qu'on attaque simplement l'anti-homme. Ce qui, chez nous, n'est pas nous, c'est ça qu'on attaque. Pas en priant, pas en philosophiant, pas en faisant rien de ça, en vivant. Immédiatement. Vous n'êtes pas capable de rentrer dans une église mormon. Allez-y une fois. Et vous verrez tout ce qui se passe en dedans. Puis dites à ce qui se passe en dedans, couchez. Là, il y a un tic qui apparaît, ça rougit, vous avez envie d'aller aux toilettes. C'est parfait, sortez. Chose qui est sûre, c'est que vous avez fait. Robert Bourassa fait un party quelque part, 50$ la tête, vous ne l'aimez pas. Prenez 50$, allez là, organisez-vous pour pouvoir lui parler. Ah, mais qu'est-ce que je veux dire? Dites-lui bonjour, comment ça va? Dites-lui ça. Vous allez avoir les mêmes mois, vous allez avoir n'importe quoi, aucune importance, faites-le. C'est ça de l'initiation. Pour d'autres, ça sera facile. Tout ce que vous... Premièrement, on pourrait intelligencer les événements. On regarde toutes les conditions de blocage qu'on a, tout notre système d'éducation. On ne va pas prêcher ça chez les voisins, OK? On vit ça pour nous autres tout seuls. Et on se sert, on observe tout ce que nous ne pouvons pas faire par blocage, par éducation, par ceci ou par cela. Et après ça, on pose la question d'intelligence. ça le test de l'humanité. Poser la question d'intelligence. Est-ce intelligent cette éducation? Cette chose que je vis, est-ce intelligent? Ah ben oui, c'est intelligent. Si je quand même pas pour aller me promener à poil dans le métro de Montréal. D'accord. Mais est-ce intelligent de toujours être vêtu, même quand on se baigne? Ah mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parfait. Mais si on élimine toute l'humanité, est-ce que l'intelligence reste? Il faut qu'on puisse pouvoir faire une chose. Vous n'êtes pas capable de monter sur votre table de cuisine puis faire un tour, c'est un apron? Essayez-le. Rire comme l'humain le fait, c'est parce qu'il se libère. Et l'humain doit apprendre à se libérer. On peut décider de rester mortellement vivant avec la chose qui nous écrase complètement, mais on ne peut pas se connaître. Toute l'évolution en avant est à petits pas parce qu'on ne veut pas commencer par la première chose. Se permettre d'être ce que nous sommes, et ce que nous sommes, on n'a pas à le découvrir. C'est là. Ça tâche s'exprimer et c'est barré. Alors faire de la méditation pour savoir qui je suis ne nous arrangera pas. Moi, j'étais un gars joyeux, ch'ti. Ça sert à rien. On doit le vivre. Alors, on fait une pause de 15 minutes. Vous avez des questions à écrire sur n'importe quoi, on les pose sur papier en bas et puis on revient.